Le vent le plus cruel venait des prés, des sillons vierges où nous paissions jadis. Moi, créature mal née, adoptée par les bêtes, que la nature élève. Et nourris, nos corps étaient des refuges pour le ciel, bleu ou gris, indemne de la souillure terrestre, du lait et du miel coulaient de tes paumes, source de tous les ruisseaux et mers que j'ai connus. Après que la voix de ton départ est venue, je grinçais et brisais mes dents la nuit, vestige de nombreux rêves atroces, purifiés par des âmes charitables à l'aube, comme l'air tente en vain de combler ton absence. Je reste fidèle à toi, même sans toi, forgeant des flèches avec des mots étrangers, espérant percer un cœur de diamant. Des flèches avec des mots éperons.